mama tsa bana nyo go go Merci beaucoup. Bonsoir tout. Bonjour, bonsoir. Bonjour pour ceux qui sont avec moi aux États-Unis. Et bon après-midi pour ceux qui sont au Gabon et au Sénégal. Et en France également, bonsoir. Pardonnez que notre heure ait changé. C'est pour des raisons de mon calendrier également. Parce que les heures indiquées de 21h à 22h ne pouvaient pas tenir. Merci beaucoup depuis la France. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous allons avoir le temps d'apprécier cette belle mélodie qui, à l'introduction, nous amène déjà dans ce monde parallèle. Puisqu'en effet, dans cette image aujourd'hui, je le fais rarement, mais pour ceux qui sont tout nouveaux, je fus un ancien pasteur. Hein, je fus pasteur et je fus à plein temps témoin de Jéhovah, prédicateur. Donc, toute cette Bible que vous voyez, je l'ai dans la tête. Mais sauf que je bénéficiais d'une initiation de la mystique chrétienne. C'est-à-dire que cette même Bible que les gens mettent sous leurs aisselles, alléluia, alléluia, et ils prient tous les jours, et ils vont encore voir des charlatans, ils vont encore voir des magiciens, ils vont encore voir des je ne sais trop qui, pour trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Alors que cette Bible, elle est capable d'opérer des miracles. Que cette Bible, elle est capable d'ouvrir les écluses de cieux. Et que cette Bible, tout ce qu'elle dit, tout ce qui est là-dedans, s'accomplit. Mais il y a un facteur qui manque. La clé. C'est la clé qui manque pour certains d'entre vous. Bon. Aujourd'hui, la clé principale que nous allons démarrer avec, c'est le Notre Père. Mais ce Notre Père, est-ce qu'il existe quelque part dans la Bible? Nous allons le découvrir. Donc, permettez tout le monde de rentrer. Et pour que nous puissions faire tous ensemble, avoir une compréhension que la compréhension des maîtres invisibles, la compréhension des véritables initiés en la matière. Vous êtes libre naturellement d'accepter et de rejeter. Parce que c'est la même Bible qui dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 que examinez tout. Scrutez tout ce que l'on vous apporte. Analysez. Et gardez ce qui est bon pour votre bien, pour votre évolution à vous. Et si ce n'est pas bon, rejetez du revers de la main. C'est la Bible qui le dit. Donc, mes analyses que je vais vous donner, vous serez libre de les accepter ou de rejeter. Ça, c'est la véritable démocratie spirituelle. Merci beaucoup, merci, merci, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Bien. Aujourd'hui donc, disais-je, nous allons, ceci à votre demande et sous inspiration, vous-même vous avez suivi l'enseignement d'hier, lorsque cette question fut posée, les maîtres ont insisté que je puisse venir parler de cela. C'est très important. Ils ont dit non, il faut leur parler un peu, parce que quand ils disent un peu, hein, c'est un chapitre qui m'a pris près de 3 mois pour comprendre seulement les 4 versets de cette prière. Il y en a 4 versets. Mais moi, je vais faire l'effort en moins d'une heure, hein, de vous amener une compréhension métaphysique, mystique et spirituelle que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours pour résoudre vos problèmes au quotidien, que de vous embrouiller, chercher. Allez voir, je ne sais pas un pasteur, je ne sais trop qui. Veuillez me pardonner. Hello? Hello, this is Brandy, and I'm a TripAdvisor calling on a recorded line. Now, I'm in the gifting department. Can you hear me okay? It depends on what you're calling for, ma'am. Put support first on behalf of Grand Caribbean Cruises, and you can press 1 to be removed. Now, I show here... Oh, I'm sorry. No. Sorry, you're talking about Grant? We're looking for a few people willing to spread the word about our cruise liner. And so what we have you do is occupy unused cabin space aboard a magnificent cruise liner for free and just generate some positive word of mouth advertising. Okay. So what we do is give you a free Bahamas luxury cruise simply to show you a good time. Ma'am, are you a human being or a robot? Tell your family and friends. Hello? When you get home. Hello? You can do that, right? Are you a robot or a human being? Yeah, because the way you speak, you don't allow me to say something. It kind of makes me sound strange sometimes. Okay, all right. So please learn to listen. You don't speak like a robot, okay? I'm not interested on your offer. I appreciate that. Thank you. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ça n'est pas arrivé en plein live, hein, c'est les gens. Parce que j'attends l'appel de quelqu'un depuis le pays là-bas qui voulait m'expliquer cette situation. Et puis le numéro vient masqué. Bon, c'est de ma faute. Il fallait que je le fasse, le filtre. Les gens qui font leur publicité sur les histoires d'aller... Comme sont les vacances qui approchent. On veut vous mettre dans les cruises, donc aller dans les bateaux. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Aujourd'hui, donc, le sujet... Pardonnez-moi une fois de plus de l'incident. Le sujet d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre... le côté métaphysique de cette prière universelle. Pour votre information, le Notre Père est une prière universelle. Ce n'est pas une prière qui appartient aux chrétiens. Parce que chez les musulmans, il y a la version de cette prière de Notre Père. Chez les juifs, ils ont cette version de cette prière de Notre Père. Donc, cette prière-là, elle n'appartient pas à une caste chrétienne secteur quelconque. Tout le monde peut exploiter cette prière. La compréhension d'approche que je vais pouvoir partager avec vous, je l'ai apprise auprès des moines catholiques. Ces moines-là, c'est les pratiquants du Saint-Augustisme. C'est des moines très sérieux. Ils vivent vraiment dans l'abstinence le reste de leur vie. Et ils m'ont donc donné une compréhension de ces quatre versets-là. Cette prière, en effet, se trouve quelque part dans la Bible. Elle a été instruite par Yahshua ou par Jésus-Christ, celui dont les chrétiens, que les chrétiens appellent Jésus-Christ. Donc, tous les chrétiens du monde prient et répètent cette prière. Ici, aux États-Unis, cette prière avait été affichée dans toutes les écoles publiques, privées comme laïques, catholiques, voulais-je dire, chrétiennes. Cette prière était répétée et précédée par la récitation, enchaînée par la récitation des 10 commandements de Dieu. Mais en 1970-71, M. Nixon, qui était président des États-Unis d'Amérique, sous l'influence de son congrès qui était majoritaire, ont-ils décidé de faire sortir une loi, un arrêté, une loi constitutionnelle, qui devait contribuer... à bannir les prières et dans les écoles publiques. C'est ainsi que cela vit le jour. Bon, ça c'est l'histoire du pays qui m'a adopté, c'est l'histoire du pays dans lequel j'habite. Il est tout à fait normal qu'en tant que citoyen de ce pays, que je connaisse bien l'histoire. Donc ici, c'était comme ça, c'était imposé, la prière de notre Père. Il fallait la réciter tous les matins, tous les jours. Tu viens à l'école le matin comme ça, on t'impose, il faut prier ça. Après avoir salué le drapeau. Moi, je l'ai fait au Gabon. De 1971 jusqu'à... Oui, de 1971 jusqu'à 1976. On nous imposait. J'ai eu la grâce que j'ai appris dans une école catholique. Ceux qui sont originaires de Lambaréné connaissent l'école qu'on appelle l'école catholique d'Isaac. C'est là-bas où j'ai commencé le CP. Après l'école catholique d'Isaac... Je suis allé à l'école Saint-François-Xavier-Fille. Ceux qui sont lambarnés connaissent l'école de Saint-François-Xavier-Fille. Non loin du Juvenat, non loin de la zone d'Atongo-Angala où se trouve Fangui, lycée d'État et tout ça. Donc, j'ai bénéficié de cette formation catholique. Donc, cette prière-là, nous la répétions chaque jour. Mais la différence, au niveau de l'Afrique, ces prières-là ne sont pas imposées aux écoles privées. La pratique de la prière était une affaire privée, car cette école est privée. Donc vous n'allez pas venir distraire les gens en faisant vos prières là comme ça. Par contre, si vous étiez d'une école catholique, c'était obligatoire. Aux États-Unis, par contre, c'était une obligation. C'était une loi constitutionnelle qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un amendement qui a été la circonstance ajoutée et ça a été mis à la loi fédérale. Quand on parle de loi fédérale, c'est-à-dire que tous les États-Unis d'Amérique, bon, pour être honnête avec vous, il y a quelques rebelles, hein, l'État de l'Alabama, eux, ils s'en foutent, ils observent. L'État de Tennessee, eux, ils observent. C'est pour cela que vous verrez que ces États-là sont très des États vraiment trop conservatifs, et conservateurs autant pour moi. Et puis, malheureusement, ils ont des problèmes avec les autres races. C'est un problème, parce qu'ils sont très, très, attachés, comment dirais-je, à la tradition chrétienne. Alors, ici, donc, les écoles privées étaient imposées au notre père. Je prends donc cette genèse pour vous dire combien de fois, et même pour votre information, la Constitution américaine, pour ceux qui ne le savent pas, elle est à 80% influencée par le Notre Père, elle est influencée par la Bible. La Constitution américaine que vous voyez là, où est mon passeport là? Si vous ouvrez, tous ceux qui sont américains comme moi, vous ouvrez la première page. We the people, ça commence par we the people, nous le peuple. Et quand vous allez lire tout cela, vous verrez qu'il y a des versets bibliques qui sont cités. Donc, même la Constitution américaine a été influencée par le monde spirituel, influencée par la Bible. Alors, le Notre Père. Le Notre Père, même le pape, là où il est là-bas, ici au Vatican, et récite cette prière-là. Aucun chrétien catholique ne peut fonctionner sans cette prière. Et même des chrétiens des églises éveillées, circonstanciellement, ils répètent cette prière. Et même certaines sociétés occultes secrètes utilisent cette prière-là. Les maçons utilisent cette prière-là. Le Saint-Martinisme, qui est une partie rosicrucienne, utilise cette prière-là. La liste serait longue. Même dans le vaudou, on utilise le Notre Père. Donc, c'est pour vous dire que le Notre Père ne date pas de l'époque de Jésus, ne date pas de la période chrétienne. Ça date de longtemps. Cette prière-là sort de quelque part. Lui, Yahshua, celui que les chrétiens appellent Yahshua, vous serez sûrement surpris à chaque fois que je dis celui que les gens appellent, parce que ce n'est pas, c'était pas Jésus, ensuite ce n'est pas décrit Jésus tel que les gens en parlent. Bon, bref, je ne veux pas créer trop de... Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me suivent ici, je ne veux pas offenser leur foi. Mais malheureusement, il y a certaines vérités dont ils ont besoin de connaître. Donc, pour vous dire qu'avant Jésus, cette prière était connue déjà par certains grands initiés, par certaines personnes. Donc, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est pour essayer de vous décortiquer, et décortiquer ensemble. Nous allons lire cette prière-là ensemble. Et une fois on va la lire, nous allons l'analyser ensemble, dans une compréhension purement sociologique, psychologique, humaine. Et après, nous allons passer au niveau supérieur, c'est-à-dire le côté mystique. Vous allez sûrement avoir mon analyse et vous êtes libre d'y partager ou pas. Et c'est là où je vous donnerai donc l'opportunité de me poser des questions ou de contredire ce que j'ai dit. Donc, prenons notre Bible sans trop prendre du temps. Voilà, j'ai une Bible ici, là. C'est ici, Sainte Bible. Bon, ceux qui sont chrétiens, j'espère qu'ils se sont préparés, puisque j'ai annoncé ce sujet-là depuis ce matin et depuis hier. Alors, c'est Jésus, Matthieu chapitre 6. Je vous informe que de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, ce sont des préceptes, des enseignements que le grand maître des apôtres avait donné sur le mont des Olives. Sur ce mont des Olives, il était assis avec ses disciples. Et là, il leur donne un enseignement. Et au cours de cet enseignement-là, il va donner beaucoup d'informations. Il parlera de l'aumône ou le jeûne. Il va parler de la prière. Il parlera du pardon, des offenses, l'importance du jeûne, l'histoire des richesses, la mise en garde, le fait de pouvoir servir plusieurs maîtres à la fois, ou bien tu vas servir le diable ou Dieu, ou discerner le bien ou le mal. Donc, les soucis, les inquiétudes de la vie, dans ces trois, voire même quatre, oui, c'est du chapitre 5 jusqu'au chapitre, voilà, 7. Donc, tous ces deux chapitres-là, je vous prie, que vous soyez chrétien ou pas, je vous donne la peine de lire cela. Ça peut vous aider, juste pour votre information. Mais nous allons considérer Matthieu chapitre 6, le verset 5. Nous allons commencer avec le verset 5. Je vais le lire pour vous. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de la rue pour être vus des hommes, et d'autres versions disent pour se faire voir. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Déjà ici, il y a une mise en garde. Ça veut dire que quand vous priez, il dit ne soyez pas comme des hypocrites. Qu'est-ce que c'est un hypocrite? Je ne vais pas percer l'abcès. Les gens qui aiment se faire voir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et vous savez, vous connaissez beaucoup des églises aujourd'hui qui font ça. Crier en public, dans les coins de la rue, dans les stades. Quand vous n'acceptez pas leur philosophie, on vous traite de démoniaque. Voilà. Jésus dit non. Vous ne priez pas pour être vu des hommes. Vous priez pour être vu de Dieu, pas des hommes. Donc la véritable prière, selon Jésus ici, là, on ne doit pas prier dans les rues, on ne doit pas prier en criant devant les hommes. Ce n'est pas moi. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Le verset 6 ajoute. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Jésus a dit. Toi, quand tu pries, je suis dehors. Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. J'ai fermé la porte. Je suis dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et il ajoute. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret ou dans le lieu saint. Et ton Père qui voit dans le secret va te répondre. Je m'arrête là. C'est Jésus qui a dit, tu pries. Est-ce qu'il a dit prie dans la rue? Est-ce qu'il a dit qu'il faut crier dans les temples? Est-ce qu'il a dit qu'il faut te faire voir? Est-ce qu'on doit entendre même ta voix? Jésus a dit non. Selon le verset 5 de Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui est en train d'enseigner au mont des serments, au mont des oliviers, le mont des olives là. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu. Mais dans la partie prie ton Dieu, il a dit quoi? Prie Dieu dans le secret. Prie Dieu dans le silence. Ah! Prier Dieu dans le silence veut dire quoi? Je ne vais rien vous dire. Le silence veut dire qu'il ne faut pas crier. Rentre dans ta chambre. Bon, maintenant, oh, t'es à moi, gars. Rentre dans sa chambre. Il y en a deux chambres maintenant. Il y a la première chambre qui est la chambre physique, matérielle. C'est vrai. Il faut t'isoler. Surtout si tu es novice dans la spiritualité. Bon. Et puis même devant le monde, moi, je peux me mettre à prier. Mais vous voyez, même quand mon gongo commence à jouer là, avant de commencer mon show, je garde mon calme. Je suis là, tranquille, dans mon coin. Et au moment, je me gêne, je dis, ah, faut pas que les gens là pensent que moi, maintenant, je suis en train de les mystifier. Parce que ça gêne certains d'entre vous, mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire là? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez? Ça dérange les gens. Donc, Yahshua dit que non, rentre dans ta chambre. La première chambre, c'est votre chambre. Que ce soit chambre à coucher ou votre temple, comme pour mon cas, ça c'est mon temple. Bon, la deuxième chambre, elle est spirituelle. Pour vous aider à comprendre que c'est une chambre spirituelle, je vais vous donner la cotation de quelqu'un qui a fondé le christianisme, appelé Saul de Tarse, qui est devenu Saint-Paul. Saint Paul a dit quoi? Le temple de Dieu n'est pas fait des mains d'hommes. Le temple de Dieu n'est pas fait des mains d'hommes. En d'autres termes, le véritable temple de Dieu, ce n'est pas ça qu'on fait avec les briques, avec les planches, tu vas chercher, louer une maison quelque part. Oh yo, j'ai créé mon église qui s'appelle Shambhala, ou bien Alléluia, Jésus-Christ est debout ou couché. Oh Alléluia, Jésus-Christ, le sauveur des femmes. Et puis tu vas prendre la pauvre maison, tu vas maintenant crier dans cette maison-là. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas ça le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Et lui-même, il ajoutera dans 2 Corinthiens, à partir du chapitre 6, verset 7, chapitre 6, chapitre 7. Vous-même pouvez vérifier dans vos Bibles. Je vous ai dit, je ne viens pas prêcher ici, je suis un ancien pasteur. Je pas... Mon objectif, ce n'est pas pour venir vous enseigner le machin là, mais c'est pour vous donner la compréhension de notre Père. Parce que ça a un sens là. C'est Jésus qui nous donne des instructions avant de prier. Avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et normalement, où vous devez prier? Et après, on passera maintenant à la fameuse prière de notre Père. Parce que ça, c'est la prière modèle qu'il a donnée. Je dis bien, et j'insiste, prière modèle. Alors, quand l'apôtre Paul dit que non, le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Mais l'apôtre Paul veut dire quoi? Est-ce qu'il veut dire que non, on ne doit plus avoir un endroit où on doit se rassembler? Non. Vous pouvez vous rassembler, vous vous retrouvez. Parce que la véritable église de Dieu, ce n'est pas un temple qui est fait de main d'homme. La véritable église de Dieu, c'est l'ensemble de tous les individus qui croient en Dieu ou en Jésus. Tous ces mecs-là, quand ils se retrouvent tous, qui croient, hein, qui ont un seul espoir, la même pensée, la même philosophie, alors, tous, quand ils se réunissent, ils forment le corps. Ils forment le corps de Jésus. Ça, c'est le, je vous parle ici comme les chrétiens parlent. Voilà l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous les individus qui forment le corps de Jésus. Parce que tous, ils vont suivre l'épouse. L'épouse, c'est qui? C'est Jésus. Et eux, ils sont l'épouse. L'épouse, c'est qui? C'est l'église. Donc, c'est l'ensemble des individus. Que tu sois Kimberley Kitty, que tu sois l'église des célestes, hein, le christianisme terrestre ou céleste, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois protestant, que tu sois adventiste du premier, adventiste du septième jour, adventiste même du quinzième ou du vingtième jour, que tu sois protestant du nord ou du sud, que tu sois Shambhala, que tu sois oh, Jésus debout, Jésus de femme, sauveur des femmes, quelle que soit la dénomination religieuse, normalement, dans la logique, c'est ça la véritable définition d'une église. Donc l'église, c'est l'ensemble des individus qui croient en Jésus. Tous, ils doivent être un, réunis comme l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 5 jusqu'à 6. J'ai promis cela que je ne vais pas vous prêcher au pardon. Là, maintenant, l'esprit des pasteurs revient encore à moi. Pardonnez-moi. Mais dans le livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 6, 5 jusqu'à 6, il écrit bien que les vrais chrétiens doivent vivre. Tous doivent vivre dans l'amour. Tous doivent être un. Tous doivent s'entendre. Que vous soyez de Corinthe, que vous soyez d'Éphèse, que vous soyez de Béréens, que vous soyez de quelle ville, hein? Tous vous devez être un d'Antioche. C'est ce que Jésus a dit. Plutôt Paul, le fondateur. Mais aujourd'hui, les églises, même au Gabon, ne s'entendent même pas. Ouais? Parce que pasteur Mbadika, toi, tu es de l'église d'en haut. Ben moi, pasteur Mubata, je suis de l'église d'en bas. Oh non, toi, tu es associé avec les bouddhistes. Oh non, toi, Mbadinga, toi, tu es avec les francs-maçons. Oh non, il y a des divisions. Mais tout cela, Dieu s'en moque. Dieu s'en moque. Parce que Jésus n'a pas dit des frères de conneries comme ça. Jésus a dit que quand toi tu pries, là, ce n'est pas dans l'église. Et l'apôtre Paul est venu nous expliquer que non, Dieu n'habite pas dans vos églises là qui sont faites de machins, de main d'homme. Le véritable temple de Dieu ajoutera l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 7. Pardonnez-moi, je ne peux pas vous prêcher, mais il faut quand même que je vous donne des évidences. Parce que j'ai trop des amis là qui m'attaquent. Oh, toi, tu viens parler. Oh, toi, tu es diabolique. Ceci, cela. OK. Parce que, oui, ils pensent que... Non, il n'y a que eux qui connaissent la... On dirait que nos amis là ne veulent pas que je parle. Oh, parce que là, j'ai déjà été coupé là. Donc, je crois que je ne vais pas être trop dur sur... Pardonnez-moi. Mais je ne sais pas que je suis dur sur quelqu'un. Moi, je suis en train de dire seulement ce que... Yahshua, non? Celui que eux ils suivent. Ce que lui-même, il a dit. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Voilà, Corinthiens, il dit ceci. Que vous êtes le temple de Dieu. Le véritable temple de Dieu est en vous. Et que Dieu habite en vous. Ah, maintenant là, on a compris ça, non? Que le véritable temple de Dieu, c'est vous, c'est en nous. Parce que... L'apôtre Paul risque de se contredire quand il a dit que non, Dieu n'habite pas dans les temples qui sont faits des mains d'hommes. Hein. Il n'habite pas là-bas. Ça, c'est dans les actes des apôtres qu'il a dit. Mais dans Corinthiens, il explique que non. Le véritable temple de Dieu est en vous. C'est en vous que vous allez retrouver ce temple. Et c'est conforme dans Genèse chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 21. C'est conforme à Genèse chapitre 2, du verset 17 à 18. C'est conforme à Genèse chapitre 3, au verset 22. Vous voyez qui dit quoi? Mais je vais vous citer premièrement Genèse chapitre 1. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Et ajoutera le verset de chapitre 2 que, ayant créé l'homme donc à l'image de Dieu, l'homme devint la ressemblance de Dieu. Mais quand on devient la ressemblance de Dieu? Bon, maintenant, le verset, chapitre 3, le verset 22, ajoute quoi? Et voici ce qu'il dit. Donc, je crois que ce Paul-là, il connaissait bien l'Ancien Testament. Voici ce que dit Genèse chapitre 3, verset 22. Il dit quoi? Qui est mon favori d'ailleurs? Et les dieux disent, ben, voici l'homme est devenu maintenant comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Maintenant que l'homme est devenu comme nous. Maintenant, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le temple de Dieu, là, vous allez les crier alléluia à gauche, à droite, là-bas. Ce n'est pas là-bas. Dieu, il est en vous. Puisque une fois vous vous initiez, en d'autres termes, comme les gens n'aiment pas le mot initiation, une fois vous avez accepté Christ dans votre vie, c'est Jésus, l'apôtre Paul, qui l'explique dans le livre de quand il s'adressait aux Colossiens, que une fois vous avez accepté Jésus, vous avez donc permis le Saint-Esprit de renouveler votre personnalité. Ça veut dire que le vieil homme commence à se détériorer. Mais quand ce vieil homme meurt, maintenant que le vieil homme est en train de mourir au fur et à mesure, mais ce vieil homme meurt comment? C'est la détérioration, la destruction des anciennes habitudes. Vous abandonnez. Si vous étiez en train de mentir, ce n'est plus bon, parce que c'est conforme au vieil homme. Vous étiez en train de faire des adultères, ce n'est plus bon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans l'initiation, nous avons un autre code, une autre manière d'appeler ça. C'est-à-dire, on appelle ça le code de la dépersonnalisation ou la désindividualisation. Donc, dans cette désindividualisation, vous vous détachez donc du vieil homme, afin que le nouvel homme qui est créé selon l'image de Dieu, maintenant se manifeste et se réveille. Mais c'est pareil comme la Bible le dit. Donc, le nouvel homme est qui? Il est conforme à l'Esprit Saint. Chez nous, les initiés, on dit, le nouvel homme c'est qui? C'est le serpent de feu qui monte maintenant, Kundalini. Donc les sept chakras sont ouverts. Mais quand les sept chakras sont ouverts, souvenez-vous des instructions que je vous ai données. Ces chakras, pour s'ouvrir, il y a un mode de vie qu'il faut observer. Vous ne devez plus coucher n'importe comment, vous ne devez plus parler trop, vous devez garder la loi du silence, il ne faut pas tout même parler mal de quelqu'un, il faut purifier votre corps mental, votre corps astral, votre corps éthérique, vous devez arrêter de manger les pauvres viandes, les animaux, il ne faut plus les tuer, parce qu'ils appartiennent à un royaume bien précis. Ce serait trop long, pardon. Je ne vais pas vous amener là-bas. Donc, revenons maintenant. Jésus, donc, dans ses enseignements, il dit que quand toi tu pries, dans ton temple, tu pries Dieu. Bon, après, il a donné un mode de vie qu'il faut éviter. C'est celui de se comporter comme des voyous, des délinquants, à crier n'importe comment dans les artères et dans les rues. Vous comprenez? C'est pas moi qui l'a dit, vous avez lu déjà. Bon, après, quand tu es prié dans ta chambre, et puis dans des instructions, ben toi, quand tu pries, évite de répéter les mêmes choses, tout et tout et tout et tout. Et puis, voilà ce que Jésus dit maintenant. Voici comment vous devez prier. Premier verset, 10. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 11. Toujours le verset 10. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ça, c'est le premier verset. 10. Verset 11, deuxième verset. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ou notre pain de ce jour. Ça, c'est le deuxième. Troisième verset. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. » Quatrième verset, verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, ils ont même mal traduit ça, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Voilà la prière. Bon, maintenant donc, moi aujourd'hui, je suis venu vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Comment, de manière métaphysique, vous pouvez appliquer cela dans vos vies et de commencer à constater quand même qu'une différence que... Ah, mais tiens, mais moi, je prie tous les jours, là. Je demande le travail, là, rien ne marche. Vous comprenez? Alors, maintenant, je vous fais les analyses. Le premier verset dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Comment on peut sanctifier le nom de Dieu? Nous savons tous. La sanctification du nom de Dieu part par la purification de notre être, c'est-à-dire la destruction du vieil homme. Je ne vais pas trop faire de détails. C'est la destruction du vieil homme. C'est comme ça qu'on peut donc sanctifier le nom de Dieu. Parce que Dieu est saint, donc, étant donné que nous sommes la ressemblance de Dieu, nous voulons également tendre vers cette sainteté. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait à 100%, non. Mais on tend vers cette sainteté. Voilà comment on sanctifie donc le nom de Dieu par une bonne conduite au quotidien, de ne plus faire les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Vous changez complètement de mentalité et pour permettre le nouvel homme de briller en vous. Mais une fois le nouvel homme est réintégré en vous, est né en vous, le nouvel homme là qui dormait, lui là que le sorcier dit, oh, mais toi, mets ton esprit là vraiment hein, et entre les mains des gens. Une fois tu as arraché ton esprit, tu as mangé ton bois sacré, ton esprit est revenu. Maintenant cet esprit qui brille maintenant a retrouvé son illuminité, sa lumière d'origine. Donc ça veut dire que maintenant là, ton nouvel homme, le nouvel homme est maintenant né en toi. Donc tu es maintenant éveillé, tu es un homme spirituel. Mais une fois, le nom de Dieu est sanctifié, tu demandes que le règne de Dieu vienne. On dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, c'est le verset 10. Le verset 10 dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a deux mots. Premier mot, le premier mot du verset 10 dit que ton règne vienne. Le deuxième mot du verset 10 dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, c'est profond, hein? Là, c'est le verset 10. Et puis, souvenez-vous, dans les autres enseignements, je vous avais dit que le nombre 10 symbolise quoi? Le nombre 10, c'est le nombre le plus complexe. C'est le nombre le plus complet de la vie. C'est le nombre qui explique l'unicité de l'homme avec Dieu. C'est le nombre qui explique le microcosme dans le macrocosme. Parce que la dernière fois, je vous avais expliqué comment un mystique écrit le nombre 10. Le nombre 10, c'est tout un grand zéro là, avec le nombre 1 à l'intérieur. Mais le zéro ne veut pas dire zéro, ne veut pas dire rien. Zéro veut dire le tout, le multiple, la multiplicité. C'est-à-dire le 1 dans le tout dans le 1. Ça veut dire que là, vous devenez maintenant le microcosme dans le macrocosme. Vous êtes une partie du macrocosme. Or, le macrocosme, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les microcosmes à gauche, à droite, qui forment le macrocosme exprimé. Donc, toutes les âmes dispersées sur toute la planète Terre, nous devenons donc, Teta Mwanga, le macrocosme exprimé. Alors, le verset 10, c'est ça, le 10. Le nombre est 10. C'est le nombre complet. Vous êtes un avec Dieu. Mais comment cela explique? Vous pensez que l'homme qui a écrit qui a fait cette prière-là, il est un petit niaquin? La preuve en est que ton règne vienne. Mais pour que le règne de Dieu vienne, tu deviens un avec Dieu. Le règne de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu que tu demandes. C'est la puissance de Dieu que tu demandes. Toi, tu ne peux pas recevoir le pouvoir de Dieu ou la puissance de Dieu si tu n'es pas un avec lui. Donc, il faut être un avec Dieu. Mais quand tu deviens un avec le tout, mais c'est le verset 10. Mais mon Dieu, puis-je rapprocher l'écran, mon Dieu, si vraiment c'était trop proche? C'est où? Prenez vos Bibles, allez-y vérifier ce que je vous dis là, si c'est faux. Verset 10. Que ton règne vienne. Donc, 10, le verset 10 déjà, c'est le verset qui, je vous ai dit, le nombre 10 déjà, c'est le nombre complet. Qui nous montre l'intériorisation de Dieu en nous et l'extériorisation de l'homme en Dieu. Donc, l'homme est un en lui, en Dieu, et Dieu est un en nous. Il y a même une prière que je recommande souvent à mes élèves du premier degré de l'initiation pythagoricienne, où je leur demande de répéter au moins près de 100 fois chaque matin en disant « Dieu est en moi, moi je suis en Dieu. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Dieu est en moi parce que son règne descend en moi. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Par la loi de correspondance, parce que je suis l'image de Dieu. Je suis sa ressemblance, je suis cette divinité. Je suis Dieu exprimé. Dieu est en moi, je suis en Dieu. » C'est un exercice d'initiation pythagoricienne. Et à force de le faire, vous verrez, les miracles se produisent. Donc, le verset 10, que ton règne vienne, c'est tout à fait normal. Et ensuite, le verset 10 toujours dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Votre humble serviteur, donc, a associé cette compréhension de l'initiation pythagoricienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire quoi? Dieu est en moi, je suis en Dieu, Dieu est en moi. Mais quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, mais parce que quelque part il est écrit que Père, tu nourris les oiseaux. On n'a jamais appris qu'un ange est tombé malade. On n'a jamais appris qu'il y a un esprit là-bas, en haut là-bas, un esprit de lumière qui souffre. Donc nous aimerons avoir les mêmes conditions de vie qui sont dans les plans supérieurs que sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. La volonté de Dieu quand il nous a créés, est-ce que c'est de nous voir souffrir? Est-ce que c'est de nous voir se faire écraser par d'autres personnes? Non. Dieu nous a créés pour vivre heureux. Allez-y vérifier le premier livre de Genèse. Et Dieu mit le jardin d'Éden. Dieu donna les fruits. Dieu donna tout. Et il donna toute autorité et toute domination à l'homme. Voyez-vous? Voilà le plan de Dieu. Donc il donna la domination à l'homme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parce que Yahshua, quand il enseigne ça à ses disciples, il savait très bien que l'homme était complètement déconnecté avec son essence. Que l'homme était complètement déconnecté avec sa puissance originelle. Que l'homme était complètement éloigné de Dieu, ce que les chrétiens, les religieux appellent le péché. Mais justement, à cause du péché, empruntons le langage des religieux. À cause du péché, le verset 10 là, de la notre prière de notre Père, de Matthieu chapitre 6, nous démontre clairement que la volonté de Dieu ne peut pas être faite sur la terre si vous n'êtes pas prêt. Or, la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, c'est la même qui est faite sur terre. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'où je vous ai amené, ceux qui m'ont suivi depuis plus d'un an, dans la magie des nombres. Je vous ai dit, le nombre aussi important, c'est le nombre 8. 8 veut dire quoi? 8, ça veut dire 0 en haut, la multiplicité en haut, 0 en bas, la multiplicité en bas. Donc, l'homme qui est symbolisé par le 0 en bas, intègre le 0 qui est en haut, qui est Dieu. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est aussi simple à comprendre. Donc, 8 et 0, c'est toujours des nombres importants. 0 est un nombre. 0 ne veut pas dire 0 ou rien. Non, 0 veut dire le tout. Donc, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et il y a un exercice mystique que je donne dans mes séminaires. Hein, ça, je ne peux pas le montrer ici, là, mais je peux vous faire le schéma. 0 en haut est comme 0 en bas. Et il y a un exercice qu'il faut faire. Comment vous devez tourner votre tête, votre corps. Ça, on pourra le faire dans un séminaire. Ça permet de vous harmoniser avec l'énergie cosmique universelle et de vous protéger contre les forces nocives. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Là, c'est une prière. Donne-nous aujourd'hui, le verset 1 ajoute, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 11 veut dire 1 et 1. 1, 1 veut dire Dieu et moi, moi et Dieu. Après, on dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais une fois, la volonté de Dieu est faite sur la terre comme dans les cieux. Puisque lui veut que tu vives heureux, il veut que tu sois, sans maladie, sans manque, ainsi de suite. Donc, sa volonté, forcément, elle va être faite sur la terre. Le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce qui est vraiment remarquable, le dernier verset, c'est le verset 13. Ceux qui ont étudié le nombre qu'on appelle 13, malheureusement, qui a été malencontreusement défini par les superstitions en disant que 13, c'est le jour du malheur. Un vendredi 13, ça, il y a eu le diable qui a fait ceci, cela. Oh! Si vous étudiez les règles d'or de Pythagore, il y en a 13. Dans les règles d'or de Pythagore, là, vous, si vous lisez la 13e règle de Pythagore, ça ne dit pas que c'est le diable qui descend ou bien c'est un vendredi le 13 qui va créer le malheur. Non. Allez-y, écoutez donc la définition de Jésus lui-même, le verset 13. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Vous vous rendez compte? Je répète le verset 13. D'abord, qu'est-ce que c'est le 13? Dans la magie des nombres, 13 veut dire 4. Et 4 veut dire Malkout. Malkout veut dire la volonté de Dieu est sur la terre. La volonté de Dieu sur la terre veut dire que son attention est portée sur la terre. Or, l'élément terre est représenté par le nombre 4. Et 1, c'est-à-dire 13, 13 c'est 4, selon la magie des nombres. 13 et 4, pourquoi? Parce que 1 et 3, ça fait 4. Il n'y a point d'autre miracle en dehors de ça. Même si vous faites les mathématiques les plus supérieures, on vous expliquera ce même phénomène. Je vois tout à l'heure 2 et 5, 2 et 5, c'est 7. Parce que dans cette logique, quel que soit l'inverse que vous pouvez faire, c'est ça la magie des nombres. Donc, le verset 13, c'est le nombre 4. Et c'est le tout dernier verset de cette prière. Le nombre 13, c'est le tout qui symbolise le nombre 4. Or, le nombre 4, vous verrez que Jésus suit la démarche même de la descente de l'énergie cosmique universelle depuis Keter, l'essence divine, de là où l'origine de toute force de l'infini plus l'infini, descend vers la planète Terre pour une manifestation de sa densité au maximum. Et la densité au maximum de Tatanzambé sur Terre, c'est Malkout, c'est-à-dire la matérialité même du Dieu suprême, sous la forme matière. Et voilà pourquoi au cours de vos rapports sexuels, entre l'homme et la vie, il y a un échange des énergies. Lesquelles énergies vous ne voyez pas. Mais au cours de cet échange énergétique, un être humain va prendre naissance. C'est parti du monde invisible, c'est parti d'une énergie. C'est comme le fameux Big Bang. quand l'univers a été créé, il y a eu une explosion des particules. Et quand il y a eu le Big Bang, les particules se sont parties à gauche, à droite, et ça a formé des cratères, la Terre à gauche, à droite, des volcans. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains volcans. Et au fur et à mesure que ces volcans se sont éteints, ils ont formé la matière. Et de cette matière qui s'est créée, il y a eu les verdures qui ont vu le jour, il y a eu des espèces qui ont vu le jour, ainsi de suite. Revenons sur la prière. Alors, le verset 13 disait, c'est le nombre 4. Le nombre 4 veut dire 1 et 3. 4, pourquoi? Parce que, il dit, car c'est à toi qu'appartient le règne. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Le règne ici, c'est le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est Malkout dans la langue hébraïque et araméenne. Malkout veut dire la matérialité de Dieu. Dieu manifesté, comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Comprenez? C'est ça, la matérialité, parce que Dieu, il est immatériel. Mais une fois ça, son immatérialité s'exprime dans le plan terrestre, il faut être déjà prêt à recevoir cette énergie qui part de Keter pour venir vers Malkout, mais qui passe sous couvert de Hokma, Geburah, Tiferet, Hosh, Yesod, et vers Malkout. Donc c'est tout un procédé. Ça passe par tous ces cycles-là, à travers les certaines planètes, et ensuite avant que ça ne descende sur la planète Terre. Parce que la planète Terre est la seule qui a la densité matérielle la plus élevée. Ce qui explique une présence importante du Soleil. Le Soleil est plus proche de la planète Terre que les autres planètes. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire sur l'histoire de Mars. Maintenant, analysons maintenant l'aspect pratique de ce verset. Je vous ai donné certaines informations. Notre Père qui est aux cieux, nous savons où le pouvoir vient. L'homme fait ce qu'on appelle l'ascension. Donc il lève ses mains, il crie vers Dieu. C'est ça l'ascension. Donc vous vous levez vers le haut pour recevoir. Et puis vous sanctifiez son nom par votre manière de vivre. Que son règne vienne. Son règne, c'est de pouvoir vous apporter la paix, le bonheur, parce que le règne de Dieu tourne autour de ça. Le règne de Dieu tourne autour, premièrement, de quatre grandes qualités. L'amour, la paix, la puissance et la justice. Voilà comment le règne de Dieu fonctionne. Et quand vous lirez le livre de Romains, chapitre 4, le chapitre 10, on nous dira que les autorités sur terre représentent Dieu. Les autorités sur terre sont des dieux. Les présidents des républiques sont des dieux. Ce sont des dieux. Vous comprenez? Ils ont cette autorité-là. Alors, maintenant on ajoute que ton règne vient. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je vais insister sur le verset 10. Ça va nous aider pour notre étude de ce jour. Et le verset 13. Retenez dans votre calepin. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le verset 13 qui est le dernier verset. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Maintenant, en hébreu, on dira Keterato ve malkout ve webudura ve gudullo leolamamin. Ça, c'est la version en langue hébraïque. C'est comme ça c'est dit. Car c'est à toi, qu'appartient le règne. Ato ve malkout, le règne, ve webura, la gloire, ve webula, la puissance, le olam, amin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et siècles. Le olam, pour des siècles et siècles. Amin, amen. Ils disent amin comme l'arabe. Hein? L'hébreu et l'arabe, c'est des cousins, comme vous le savez. Leur alphabet, ça a 29 lettres. Hein? L'arabe et l'hébreu, c'est des frères, comme vous le savez. Abraham, le père des comment il s'appelait là, l'ancêtre des musulmans là, Ismaël, hein? Père d'Ismaël et le père d'Isaac. Voilà, donc c'est ça. Bref, donc ces deux versets, 10 et 13, c'est ce qui va nous intéresser. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que vous faites? Dans la pratique, vous avez un problème bien spécifique. Vous appliquez ce que Yeshua a dit. Vous ouvrez votre porte et vous la fermez. Naturellement, vous devez vous assurer que vous êtes douché, vous êtes propre, bien, bien, bien habillé. Vous êtes parfumé, vous brûlez vos encens. Maintenant, ceux qui sont dans les églises éveillées, là, pardonnez-moi. Ce n'est pas moi qui invente. Lisez la Bible. que ce soit dans les versets de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on nous parle des encens qu'on brûle dans le grand temple. Laissez ça, c'est pas diabolique. Allez-y me lire le livre des Nombres. Allez-y me lire le livre de Lévitique. Qu'est-ce que les prêtres faisaient? Hein? Et lisez le livre de Révélation, Apocalypse chapitre 14. Là, on nous parle des 144 000. Hein? Et les prêtres qui sont autour, les 12 tribus d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Et le nouveau temple qu'ils sont en train de construire en ce moment à Jérusalem, là, on fait quoi? Il est prévu un endroit qu'on appelle le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce Saint des Saints? On brûle les encens. Mais ces encens servent à quoi? Voilà des choses que vous devez comprendre. Ça sert à la préparation de l'arrivée des archanges. Parce que Tetra Mwanga, le Dieu suprême, envoie ses délégués. Vous comprenez? Le bouddhiste, quand il danse dans son temple de bouddhi, qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez? Qu'est-ce que le bouddhiste fait dans son temple? Il fait la même chose. Il est en train de danser, et il y a le feu qui est brûlé dans le temple. Le feu est brûlé dans le temple. Vous rentrez dans le Mbandia. Qu'est-ce qu'il y a devant le Mbandia? Il y a la torche indigène qui est là. Mais allez-y encore, faites fond du Mbandia là-bas, auprès du Nima. Qu'est-ce qu'on voit encore? Donc toute cette symbolique que vous voyez dans le temple de Bouti, c'est la même chose qui s'est passée dans le temple d'Égypte. C'est la même chose qui s'est passée dans le temple transportable que Moïse et Aaron, son petit frère, son frère portait avec ses enfants. Je vous ai parlé de ses enfants qui étaient tués, giflés par les anges, et ils ont eu le sang au nez partout à cause du fait qu'ils ont bu le vin. Donc, quand ils étaient dans ce lieu saint, c'est ça. Donc, rassurez-vous, les encens, ce n'est pas diabolique. Les encens, c'est des parfums. Il y a les encens au Liban, il y a les encens de Jérusalem, il y a les encens pontificales, il y a mille et une qualités d'encens. Et ces encens créent une certaine ambiance dans le monde invisible. Parce que les êtres de l'au-delà, ils ont besoin d'une certaine ambiance odorale, une certaine ambiance dans le plan terrestre avant de descendre. J'enseigne quelque chose parce que je pratique la Kabbale. Comprenez? Dans la Kabbale, on nous l'a toujours dit. Et pour convoquer ces entités, ce n'est pas pour rien que l'Église catholique brûle. L'Église orthodoxe, que vous ne connaissez même pas, qui pratique le véritable rite des chrétiens anciens. Moi, je vous dis, je connais ces mecs-là, jamais ils sont fauchés, ils n'ont pas de problème. Mais c'est une église qui ne fait pas de bruit. Ils ont tout ce qu'ils désirent dans leur vie. Vous partez là-bas, la prière ne va même pas faire une semaine, tu as tout ce que tu désires. Pourquoi? Mais parce qu'eux, ils ont conservé cette tradition-là. Et n'oubliez pas que toute tradition religieuse va d'abord de l'ambiance psychologique. Il y a ce qu'on appelle le phénomène collectif. Dans les magies grégoriques, j'explique cela. Tout va de là. Là où la croyance est câblée. Mais si votre croyance est câblée ou greffée sur cette égrégore ou cette entité qui est bien formée, qui a une haute moralité standard, une haute fréquence, vous verrez que c'est le cas des musulmans, je l'ai toujours répété tous les jours. Bon, bref, vous êtes dans votre maison, dans votre temple, vous prenez votre Bible, ça peut se faire même au salon. Vous devez avoir au minimum 4 personnes. Retenez bien cela, c'est très important. Vous devez avoir au moins 4 personnes. Vos 4 frères de l'église, vous vous retrouvez, mais vous devez vous entendre. Il faudrait les convaincre de la compréhension que je viens de donner du livre de Matthieu chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset 12, et jusqu'au verset 13. Il faut bien leur expliquer ça. 4, 8 ou 12. 4 personnes, vous savez que le nombre 4, je vous l'ai déjà dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parce que Malkout, le royaume, que ton règne vienne, le règne de Dieu venir sur terre. Parce que la terre, c'est la matérialité. Le chiffre 4, c'est ça. C'est la planète, symbolise la planète Terre. OK? Mais le chiffre 4 peut former le 0. Parce que tous les 4, vous êtes d'accord. Et quand 4 personnes sont les mêmes, machin, c'est 4 côtés égaux. Voilà le carré, non? C'est 4 côtés égaux. Le chiffre 4 a 4 côtés égaux. C'est ça, le chiffre 4. Mais le triangle peut avoir ses 4 côtés également. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'élément préparatoire dans la pratique mystique de cette prière-là, pour que vous opérez des miracles dans des groupes, ça commence d'abord par le groupe. Donc, vous prenez 4, au maximum 12. Lisez le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, vous comprenez de quoi je parle. Et ce jour, ils furent tous réunis. 120 disciples, y compris la mère de Jésus. Ils étaient en train de prier et jeûner pendant 40 jours. Ils étaient au nombre de 120 disciples, y compris la mère de Jésus. Et ils entendirent un tonnerre terrible au niveau de la haute chambre de Jérusalem, là où ils étaient réunis. Et de là, quelque chose de miraculeux se produisit. Ils sortirent avec des langues de feu sur leur tête. Les gens les prirent pour des fous parce qu'il était vers 4 heures, 5 heures du matin. Ils se mirent à parler les langues des gens qui étaient autour. Ils parlaient les raméens, ils parlaient l'arabe, ils parlaient les langues africaines, ils parlaient le Munkutuba. Tous les Africains qui étaient autour, même les Éthiopiens, entendaient ces mecs-là prier et parler dans leur langue. Et c'est ainsi que on assiste au premier miracle de puissance de guérison. La même semaine, 5000 personnes furent baptisées. Ils acceptèrent les enseignements. La même semaine, un eunuque éthiopien s'étonna de la lecture du livre d'Ésaïe qu'il était en train de lire, qu'il ne comprenait pas. Et finalement, Philippe, l'un des disciples cachés de Yahshua, se leva et lui dit, « Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis ?» Le pauvre éthiopien dit, « Ah, moi, je veux comprendre comment, il faut quelqu'un pour me faire comprendre, parce que moi, je ne comprends pas ce que ce type d'Ésaïe dit. » Et il l'expliquera. Vous comprenez? Donc, les 120 disciples réunis, ils reçurent une onction. On dit bien 120. Mais quand vous divisez 120 par 30, ça fait combien? Ça fait 40. Mais si vous divisez 40 par 10, ça fait combien? Ça fait 4. Donc, dans 140, vous trouvez le nombre 4. Dans 40, vous trouvez le nombre 4. Mais les 120 disciples qui étaient réunis, divisez ça par 10, vous trouvez combien? 12. Ça nous amène au nombre des apôtres, 12 apôtres. Ça nous amène au nombre des 12 dieux d'Égypte. Ça nous amène au nombre de 12 dieux gréco-romains. Ça nous amène au nombre des dieux, des 12 dieux égyptiens, des 12 dieux romains, des 12 dieux grecs. Alors, vous ne vous demandez pas pourquoi le chiffre 12. Ça nous amène au nombre 12 des 12 planètes. Mais pourquoi le nombre 12? Pourquoi ça défile à chaque fois? Pourquoi c'est répété? Pourquoi Jésus recrute 12 disciples? Posez-vous la question. Mais dans le nombre 12, ne retrouvez-vous pas le nombre 4? Si vous divisez 12 par 3, vous retrouverez toujours 4. Mais de toutes les façons, 3 ne peut pas fonctionner sans 4, 4 ne peut pas fonctionner sans 3. Parce que l'homme, dans son expression tertiaire, dans son expression céleste, dans son expression divine, il a le nombre 7 en lui. Car en l'homme sont enfouis 7 centres énergétiques, selon la tradition hindoue. Dans le yoga, on nous dit que l'homme a 7 centres énergétiques. Donc, ces 7 centres énergétiques, nous retrouvons le nombre 4 et puis 3. Dans le nombre 7, nous retrouvons un carré et nous retrouvons un triangle. Le triangle dans le carré nous donne le nombre 7. Bon, je ne vais pas vous amener trop là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre 4. 120 disciples, c'est 4 qui est dedans. Les 12 des apôtres de Yahshua, c'est 4 qui est dedans. Ça va nous amener loin là. Pourquoi 4 alors? Mais je vous ai dit que 4, c'est le nombre de la matérialité. 4, c'est le nombre de la réalisation. 8, c'est le nombre parfait. 10, c'est le nombre de l'unicité du 1 avec le tout et du tout avec le 1. C'est le nombre 10 qui exprime la compréhension véritable d'un Dieu exprimé en vous. La compréhension véritable de la nécessité de se faire initier, parce que à travers cette initiation-là, vous allez retrouver votre divinité qui va se mettre en éveil. Donc personne, dans n'importe quel grand milieu sectaire, dans n'importe quel milieu spirituel, on vous expliquera ces choses-là. Les grands maîtres connaissent ces secrets. Donc, vous comprenez, la vie a plein de mystères. Il faut toujours vous rapprocher des initiés. Ils peuvent vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà pourquoi beaucoup d'initiés ne mettaient pas longtemps. Souvent, ils vivaient dans les grottes, ils se cachaient loin. Parce qu'on les prenait des fous des choses qu'ils disaient, mais qui se sont révélées vraies aujourd'hui. Donc, vous avez le groupe 4 personnes, ou bien si vous avez la chance, amenez 12 personnes dans votre maison. Et quand vous priez, ça c'est la première partie d'abord du groupe, pour appliquer exactement ce que Yahshua avait fait. Parce que moi, je parle là pour vous, les chrétiens. Si vous voulez voir des miracles se produire. Donc, dans le nombre 4, rassurez-vous que vous êtes trois personnes, trois Bibles doivent être disponibles. Là, je vous parle de la compréhension métaphysique de notre Père. Trois Bibles doivent être disponibles. 4 × 4 × 4 × 4 × 12. C'est bon d'avoir 12. Parce que le nombre 12 va vous permettre de former un grand cercle. Mais dans ce cercle, rassurez-vous qu'il y en a une série de 4×4. Et dans cette série de 4×4, de 4 × 3, ça fait 12. Donc, rassurez-vous que les 4×3, chaque 4 a une Bible. Vous comprenez? Donc, ce genre de choses, je préfère faire un séminaire, vraiment. Parce que là, je peux vous expliquer dans la pratique ce qu'elle veut dire. Mais ce n'est pas grave. Je continue ma théorie. Vous avez donc vos Bibles. Et quand vous avez votre Bible, il y a un qui se met au centre du cercle. Un se lève au centre du cercle. Et rassurez que vous fermez vite le cercle pour éviter de donner accès aux forces négatives. Mais rassurez-vous qu'avant de le faire, vous jeûnez pendant 7 jours. C'est le jeûne le plus petit. C'est Daniel qui le recommande. C'est le jeûne minimum. Ça, c'est le jeûne qui est recommandé par Daniel. Mais par contre, si vous appliquez le jeûne qui est recommandé par Esaïe, c'est différent. Dans son chapitre 58 et 59, il vous expliquera le véritable jeûne qui consiste à déchirer votre âme de toutes les impuretés. Ça, c'est le, enfin, si vous voulez, ça, c'est le jeûne préparatoire qui permet de tuer la chair et de élever votre âme. Bon, nous ne sommes pas là dans les histoires des jeûnes. Justement, dans les conditions préparatoires, prémonitoires, pour pouvoir arriver là. Donc, un se lève au centre de votre cercle. Il prend la Bible. Il ouvre sa Bible dans Matthieu chapitre 6. Un autre, et c'est là, vous devez choisir les besoins. Et ces besoins-là, vous les écrivez sur du papier blanc. Vous écrivez ça sur du papier blanc en encre noire. Bien écrit en noir, visible, bien gros, gros, gros. Et vous posez sur le petit temple ou un tabouret qui est au centre de votre cercle ou au centre de votre table, si vous voulez. Même si vous êtes 4, vous formez déjà un cercle. Retenez cela. Que le 4 peut devenir le cercle. Le 7 peut former le cercle. Le nombre 7 peut former le cercle. Le nombre 12 forme le plus grand cercle, autant pour moi. Comme ça, c'est pas ça à Jérusalem. Pour votre information, les 120 disciples qui étaient réunis, dont on nous dit plus. Pourquoi on a dit plus la mère de Jésus? Mais parce que la mère de Jésus ça faisait 121, mais la mère de Jésus ne comptait pas de ce cercle. La mère de Jésus était au centre des 120. Voilà la vérité. Donc les 120 disciples ont entouré Marie, Myriam. La mère de Jésus était au centre. C'est lui que vous appelez Jésus là. Sa maman était au centre. Et c'est elle qui lisait donc, qui faisait les incantations. Bon, pardon, les chrétiens, ne vous fâchez pas, les incantations, si vous voulez pas le mot là-haut. Mais c'est elle qui prononçait les mots. C'est elle qui lançait l'intercession. C'est elle qui dirigeait l'intercession. C'est elle qui lançait les mots, les prières. Pendant combien de jours? C'est ce qui explique la Pentecôte, non? Donc, votre cercle est là. Quelqu'un, 3 personnes ont les Bibles. Je vais vous expliquer pourquoi 3. Il y a un qui va lire le Notre Père. Et la personne qui est au deuxième carré du cercle va lire les besoins. Va lire les. C'est pour ça que je vous dis. La deuxième partie de la prière qui dit, Jésus dans Jean chapitre 4, verset 23, nous dit quoi? Que le Père recherche les gens qui prient Dieu. Mais les vrais gens que mon Père recherche, ce sont ceux qui le prient en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. Donc, vous appliquez cela. Maintenant, le frère donc qui a la deuxième Bible, lui, il est maintenant là pour prier en vérité. Il prie en vérité. Mais vous lisez votre prière de notre Père. Et l'autre là-bas a sa Bible sur. Il va appliquer maintenant des lectures de vérité. Et le quatrième, lui, il lève seulement ses mains comme ça sur la Bible. Il symbolise la prière en esprit. Parce que ceci symbolise l'esprit qui se déverse. Et il doit être habillé en blanc comme je le suis. Il est là. Il n'a rien à dire. Les mains sont seulement levées. Il est concentré. Les mains levées sur vous, tracées. Et la Bible est ouverte devant lui. Maintenant, vous avez fait votre papier là, vous avez écrit en gros le machin, le besoin. Supposez, le travail pour Jean Mabako. Notre frère Jean Mabako veut le travail. Notre sœur Matsanga Marguerite, elle veut aussi, elle veut gagner son bac. Notre oncle Dibaku, Jean-Luc, lui, il a le pied qui va être amputé, mais on veut un miracle. Donc, vous avez tous ces besoins qui sont écrits. Maintenant, celui qui ouvre la prière, Le chef de file s'élève. C'est celui qui a les mains comme ça. Il commence sa prière. Notre Père Céleste, nous, nous sommes ici présents pour pouvoir t'adresser à toi. Conformément à la tradition. La tradition qui a été léguée par les apôtres. La tradition qui a été léguée par nos ancêtres. Celle qui consiste à prier autour et former ce cercle. Par ce cercle, nous canalisons toutes les énergies négatives. Nous canalisons toutes les forces négatives et tous les méchants. Les sorciers ne peuvent point avoir accès. Car les besoins que nous avons exprimés sont dans ce papier blanc. Oh Père Céleste, toi qui depuis les cieux célestes, tu es le Dieu omniprésent. Tu regardes et tu as vu les besoins de Mabako, les besoins de Matanga Marguerite, les besoins de Otsabaro. Disons, les besoins que vous avez exprimés. Donc depuis le lieu céleste, Seigneur, tu les vois parce que tu es omniprésent. Et c'est ainsi que nous avons formé ce cercle, Seigneur, selon tes instructions qui sont écrites dans le livre des Chroniques, selon tes instructions qui sont écrites dans le psaume numéro 40, où il écrit que l'Esprit doit encercler ses serviteurs. Donc, nous suivons cela. Et conformément à Actes des Apôtres, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, lorsque les 120 disciples étaient réunis à la haute chambre secrète, en train de prier et en train d'attendre l'arrivée du Paraclès, l'assistant, le Saint-Esprit, et afin de les inonder et de leur donner tout pouvoir. Et donc Marie était celle qui dirigeait cette séance. Elle était au centre du cercle. Nous ne faisons qu'observer cela. Tata Mwanga, Tata Mwanga, Tata Nzambe, Dieu suprême, quel que soit le nom qu'on te donne. Nous te prions donc, ô Père, que toutes nos demandes les plus sincères soient accordées. Et nous avons respecté la tradition. Nous sommes tous ici. Nous attendons ta présence. Et de ce fait, maintenant ceux qui sont chrétiens peuvent dire, au nom de Jésus, nous demandons que tout esprit malin ne puisse avoir accès à ce lieu. Au nom de Jésus, nous scellons toutes les forces négatives, les énergies négatives, et tout cela, vous pouvez citer ce que vous voulez. Ça, c'est ceux qui sont chrétiens. Bon, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent dire autre chose. Mais vous faites l'essentiel de ce cercle, et la personne qui a les mains levées comme ça, là, cette personne l'a rassurez-vous que pendant 7 jours, il n'a pas couché sa femme, s'il a une femme. Rassurez-vous qu'il a fait le jeûne. Comprenez? Rassurez-vous qu'il n'a pas mangé la viande pendant un certain nombre de jours. Seulement les légumes et boire l'eau. C'est très important ce que je vous dis. Voilà l'application maintenant, on rentre en plein. Bon, ça c'est celui qui ouvre la séance. Alors Père, conformément à ce que tu as dit, nous allons donc te faire des demandes sincères. Merci beaucoup papa. Merci de nous bénir. Merci, merci, merci. Ouvre, ouvre, ouvre les écluses des cieux. Ouvre-les, ouvre-les, ouvre-les. Mais pendant ce temps, tous ceux qui sont autour du cercle, vous fermez les mains, vous serrez les mains. Et vous fermez vos yeux et vous visualisez une lumière divine qui descend. Merci beaucoup, Tata. Merci beaucoup, notre Père Céleste. Merci. Pour les chrétiens, diront au nom de Jésus, ou d'autres diront que ta volonté soit faite et non la nôtre. Parce que nous savons que ta volonté, c'est de nous voir heureux. Merci. Et c'est d'accomplir tous nos vœux. Et c'est de nous donner tout ce que nous voulons. Parce que tu n'as jamais dit non. Et tu nous donnes toujours. Merci beaucoup. Le type reste toujours debout. Alors maintenant, l'autre ouvre la séance. Père, tel que tu nous l'as enseigné. Bon, maintenant, si vous connaissez la prière par cœur, la prière par cœur, c'est tant mieux. Mais si vous ne connaissez pas par cœur, vous lisez. Il n'y a rien de mauvais de cela. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. Vous faites exactement comme ça. Pendant 4 fois. Vous répétez encore la prière. Donc, après que vous l'ayez répété pendant 4 fois, vous gardez le silence. Tous, vous fermez les yeux dans le cercle. Et quand vous gardez ce silence, vous visualisez maintenant la lumière est divine. Vous rentrez dans la cathédrale céleste, selon le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit, « Et je vis un homme d'une couleur marron. Il était assis sur le trône, et au-dessus de ce trône, je voyais une lumière qui venait de nulle part. Et je ne sais qui était là. Cette lumière venait de Keter. Vous visualisez cette lumière-là de la cathédrale céleste. Vous la recevez. Donc, dès lors que vous avez fait cette visualisation mystique, je vous jure que la salle est inondée. Aucun démon ne peut avoir accès. Et personne ne viendra vous perturber dans cette étape. Et après avoir donc fait cette vision, vous avez déjà fait vos prières 4 fois, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui a le livre des besoins, celui qui est debout, il regarde. Premier besoin, Madame Matsanga Marguerite, elle veut gagner son bac. Maintenant, Le frère qui a l'autre Bible là, il va maintenant rentrer dans les versets bibliques qui disent, il va maintenant prier en vérité. Souvenez-vous, prier en vérité veut dire quoi? Prier en vérité veut dire prononcer, dire des versets bibliques. Vous attrapez Dieu par son, vous piégez Dieu par ses propres paroles là. C'est une manière de dire. Ça veut dire que quand vous allez dire ce qui est écrit dans la Bible, vous allez lire cette vérité et c'est cette vérité qui va déclencher ce que vous désirez. Donc, celui maintenant qui connaît le verset, il veut gagner le bac. Bon, le verset qui a rapport avec gagner bac, là, veut dire lequel? Veut dire celui qui veut donner, ouvrir les écluses dessus. Maintenant, le frère qui a la Bible là-bas va ouvrir le verset qui dit, Père éternel, toi-même tu déclares dans ta parole, il est écrit, le Seigneur l'Éternel est mon berger et ne me manquera de rien du tout. Et il est écrit que l'or et l'argent et toutes les ressources de la terre t'appartiennent. Et qu'il est écrit, tout comme tu es capable de guider les ruisseaux d'eau, et tu es capable de troubler et d'échanger les cœurs des hommes, nous te présentons le dossier de notre sœur, Matsanga Marguerite, qui va passer le bac. Mais nous savons qu'elle ne peut pas compter sur elle-même. Mais nous comptons sur toi. Conformément à ces paroles qui sont écrites dans ta propre Bible. Tu es le Dieu qui n'a jamais menti. Tu es le Dieu qui déclare que quand je parle, je ne mens point. Tu es le Dieu qui déclare que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Oui, c'est toi, si tu écris dans ta parole. Donc vous citez, cette personne doit bien vraiment connaître tous les versets bien ciblés. Pendant que cette personne le dit, celui qui fait le Notre Père reprend son credo de lire maintenant la prière de Notre Père. Donc, nous allons rentrer dans une ambiance où il y a deux voix qui vont s'opérer. L'autre voix qui lit le Notre Père, c'est une voix qui est à la basse. Et l'autre voix qui va lire les versets de vérité, c'est le violon. Donc, ça veut dire que celui qui fait le violon a une voix beaucoup plus élevée. Oui, Seigneur, il est écrit. Et ceci, cela. Et l'autre, pendant ce temps, notre Père qui est dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Il va mettre l'accent sur ces trois mots-là. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais pendant que lui, il répète ça, les autres, vous maintenez votre cercle. Et celui qui est debout a toujours les mains posées sur tout le monde. Et celui qui lit les versets de la Bible continue à lire ce verset. Continue toujours à prononcer le nom de Matsanga Marguerite. Pendant au moins 4 jusqu'à 12 fois. C'est très important ce que je vous dis. Pendant au moins 4 ou bien 12 fois. Si vous avez la paresse, faites-le 4 fois. Recevez cette vidéo pour ne pas vous perdre. Voyez-vous, ça c'est l'application métaphysique de ces paroles. Où est l'application métaphysique? Vous lisez le Notre Père. Ou bien vous dites, comme moi je l'ai dit, moi je connais cette prière par cœur depuis le jeune âge, depuis les années 70, on m'a appris ça. Ok? Vous le dites. Et 8 fois, hein, plutôt 4 fois ou bien 8 fois ou 12 fois. Ok? Mais une fois, il faudrait que tout le monde, vous vous entendiez. Hein? Bon, moi je veux dire, vous allez dire, vous n'êtes pas, il n'est pas interdit. Bon, nous entendons au nombre 4. Donc vous dites ça 4 fois. Après 4 fois, maintenant, la personne qui dirige, celui qui est debout, tout habillé en blanc, besoin de X. Maintenant, quand on dit besoin de X, tout le monde a compris, besoin de... Donc, tout le cercle des 12 ou des 4, vous prononcez besoin de Matsanga Marguerite. Maintenant, là, le frère qui a l'autre Bible, qui connaît maintenant les versets, qui concernent les versets, ces versets-là, c'est quoi? Comment prier Dieu en vérité? Donc, c'est lui maintenant, dans son introduction, qui va dire, oh, détends-moi, Dieu suprême. Tu es le Dieu qui n'a jamais menti. Il est écrit dans ta parole, Matthieu 7:7, que tout ce que vous demanderez, vous le recevrez, sans condition. Tu es le seul qui a dit dans ta parole, nous les humains, nous pouvons mentir, mais toi, tu ne mens jamais. Tu es le Dieu encore qui ajouta, que moi, je vous ai pour un contrat de vie et de bonheur, et non pas un contrat de malheur. Tu es le Dieu qui déclare, l'Éternel Dieu est mon berger, il ne me manquera de rien. Tu es le Dieu qui déclare que la vie... Et le bonheur, tu l'as donné pour l'homme. Tu es le Dieu qui déclare. Et il est créé pour pouvoir vivre. Donc, c'est ça le rôle. Donc, vous comprenez? C'est ce rôle-là. Mais maintenant, s'il ne connaît pas, il faut trouver donc un pasteur ou bien quelqu'un qui est bien entraîné qui va vous sélectionner ces versets-là en fonction des besoins des individus. Maintenant, si c'est monsieur, par exemple, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Oyanda. Je ne crois pas que c'est un nom qu'on me donne comme ça. Monsieur Oyondang, lui, veut être... Il veut avoir de l'argent. Parce qu'il a un problème, il veut monter son affaire. Donc, Monsieur Oyondang, pendant que le besoin est exprimé. Maintenant, celui qui fait sa prière, notre Père. Que ta volonté, n'oubliez pas, la prière, elle est prononcée avant de commencer d'entrer dans le but de machin. Mais maintenant, quand le type qui a les mains levées dit, la séance, c'est pour X, c'est pour Ndon Yang. Maintenant, Ndon Yang, quand il dit ça, c'est le frère là-bas qui va pouvoir lire les versets qui correspondent aux besoins de l'individu. Maintenant, celui qui fait la prière, notre Père, il ne fera toute la prière en entier. Il dira plutôt, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc pendant qu'il le dit, le cercle se renforce avec la pensée de réception. Vous visualisez l'argent. Si c'est l'argent que le type a demandé, si c'est pour le type qui veut de l'argent pour monter son affaire, donc vous, dans le cercle, vous visualisez l'élément argent. Je vous préviens qu'il y aura des bousculades, hein, parce que ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que vous aurez l'impression qu'il y a le vent qui va souffler tout autour. N'ayez pas peur. C'est la même chose qui s'est passé à l'autre chambre de Jérusalem. Il y a le vent qui a soufflé. Le vent a soufflé. C'est la présence des esprits. C'est comme ça qu'ils font. Ne cherchez pas à savoir, ne vous posez pas des questions. Donc, pendant que vous faites cela, lui, les deux personnes qui vont maintenant être des acteurs ici, c'est celui qui a la Bible sur le Notre Père. Mais cette fois-ci, il met l'accent sur seulement deux versets, sur deux phrases. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc pendant que lui répète ça, l'autre est en train de dire, mais c'est toi le Dieu qui déclare dans ta parole que l'homme, il ne te manquera de rien. Tu as créé l'homme pour qu'il vive heureux. Tu as créé l'homme à ton image, selon ta ressemblance. Tu es le Dieu qui déclare que l'homme, il peut mentir, l'homme peut se tromper, mais toi, tu ne te trompes jamais. Tu as créé l'homme pour qu'il vive heureux. Tu as un projet de bonheur pour moi et non de malheur. Tu es mon Seigneur, tu es mon berger et il ne me manquera de rien. Oh, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni voir sa descendance quémander du pain. C'est toi qui le déclare. Et l'autre continue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Pardonnez-moi, les maîtres viennent me dire quelque chose. Je vais partager la confidence avec vous. Ils m'ont dit non, il faut arrêter. Cette audience n'est pas prête à pratiquer ce que tu fais. Il faut faire des séminaires. Donc je vais m'arrêter ici, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous pouvez donc faire l'effort de faire ceci. C'est pas de ma faute, ils me l'ont déjà, ils viennent me le dire. Donc, priez beaucoup qu'on fasse des séminaires. Ce que je vous dis, je l'ai fait. Je l'ai fait au Congo, je l'ai fait partout. Jusqu'ici, je le fais. Et les miracles se produisent. Voilà l'application et la compréhension métaphysique de notre Père. Maintenant, vous pouvez le faire aussi tout seul. Vous pouvez le faire tout seul. Vous lisez le Notre Père, mais là, il faut être expert en la méditation, en la visualisation. Voyez-vous, moi, je le fais parfois pour des clients. Donc, pendant que je lis le Notre Père, et en même temps, je visualise le terme, je visualise le temple céleste, je visualise ce qu'on appelle la cathédrale, et en même temps, je visualise la descente du bien en rapport avec la personne, si c'est la guérison, et en même temps, je déclare que toi, tu es le Dieu qui n'a jamais menti, parce que toi, tu as déclaré que tout m'appartient, l'or et l'argent m'appartiennent, je donne à qui je veux, comment toi, tu vas me priver. Toi, tu n'es pas un Dieu qui est égoïste, tu n'es pas un Dieu méchant, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, voilà comment ça se passe à votre demande. La suite, ce sera très prochainement. Je parle de la suite, bon, des autres paroles. Pardonnez-moi, ils m'ont dit qu'il faut que j'arrête. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit vous n'êtes pas prêt. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Je dois les obéir. Donc voilà comment la première partie aujourd'hui nous a enseigné sur la compréhension de cette prière-là. Vous pouvez donc en faire usage chez vous. Et ceux qui veulent devenir des pasteurs, ou je ne sais pas trop, vous voulez ouvrir une église, je vous dis que si vous appliquez ça, s'il y a des pasteurs qui me suivent là, qui ont des problèmes pour avoir beaucoup de gens dans leur église, au lieu d'aller voir les gangas, et d'aller voir mon ami Kouan, le Ghanéen, là, chercher les fétiches. Laissez-moi ça. Ce que je fais, là, ce que je viens de démonter, là, je l'ai fait. Mon église, là où je partais, là où j'étais assistant pasteur, je vous jure que l'église, avant au départ, c'est une affaire de 55, mais dès que je suis rentré, ils arrivaient à plus de 2000 machins. Parce qu'on a appliqué ceci. La table ronde, il n'y a aucun mal à cela. C'est ce que les apôtres ont fait, les 120 disciples, à la haute chambre secrète. Vous savez comment, pourquoi on appelait ça la chambre secrète? C'est pas moi qui invente, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, vous pouvez le faire. Hein? mes amis pasteurs peuvent le faire. Vous n'avez pas besoin de faire la magie pour avoir beaucoup de membres dans votre église. Ça, c'est une technique ancienne, vieille comme le jour, avant même de votre affaire de Jésus. C'était même avant lui, les gens utilisaient ça toujours. Chez les sorciers, il y a une technique qu'ils appellent la Ouija, le Ouija, le Ouija. C'est ça, ils utilisent la technique du cercle. Ils font bouger des objets et tout ça. Merci beaucoup. Que Tétan Manga vous bénisse. Merci. Si vous avez des questions en rapport avec cet enseignement, posez-les. Mais je pense que j'ai été plus clair sur cette affaire. Donc les maîtres m'ont dit qu'on doit développer ça beaucoup plus dans l'aspect pratique. Et c'est vrai, ils ont raison. Il faut que je sois avec vous et qu'on le pratique ensemble. Donc vous comprenez maintenant? La même Bible que les gens lisent tous les jours, tous les jours. Les églises éveillées, les églises de ceci, de Kébalekete. Mais regardez la compréhension qu'on a eue ce soir. Quand on dit on a eu, j'ai moi-même bénéficié de cela aussi. Les maîtres me viennent me dire même des choses que je ne connaissais pas. Donc, c'est vous dire. Cette Bible-là, tout le monde peut l'utiliser. Le Coran, tout le monde peut l'utiliser. Ce n'est pas la propriété de qui que ce soit. Tout le monde a droit à cela. Nous tous nous avons accès à ça. Mais sauf que nous sommes devenus trop sectarisés. Nous sommes trop divisés. C'est ça le problème. Que quand toi, tu vas commencer à lire ta Bible, on va te dire, oh, toi, tu vas utiliser ça pour la magie ou bien non, il faut venir à mon église. Quand on voit la Bible, les gens voient l'église. Non. Je vous ai prouvé que l'apôtre Paul, même, il a été clair. Que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de main d'homme. C'est écrit dans le livre des Romains, le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre Corinthien, il leur a dit ça, mais vous continuez à vous coucher les femmes, des gens, vous faites le banditisme, vous continuez à mentir, vous êtes comme... Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que le temple de Dieu est en vous. L'apôtre Paul, celui qui le dit. Et il n'a pas tort, nous avons révisé Genèse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Dieu créant l'homme à son image, à l'image de Dieu l'homme fut créé. Et le Dieu souffla le souffle de vie dans sa narine, c'est-à-dire qu'il lui donna son esprit. Et après cela, l'homme devient la ressemblance de Dieu. Mais quand vous devenez la ressemblance de Dieu, votre âme maintenant est, vous permet d'être sur de hautes fréquences. Mais quand vous vibrez sur de hautes fréquences, qu'est-ce que vous avez à faire à aller coucher des femmes et des gens? Qu'est-ce que vous avez à aller mentir, à faire machin? Qu'est-ce que vous avez à aller vous battre des histoires de politique ou bien vous faire du mal, vous gifler à gauche, à droite? Voilà le problème. Parce que vous vibrez sur des hautes fréquences. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Tétan Manga vous bénisse. Moi, je ne sais pas s'il y a une question qui défile sur l'écran. Bon, je vais quand même le prendre. S'il y a des questions, je vous attends. Comme ça, je vais vous libérer. Vous allez me libérer un peu aussi. Parce que là, depuis là, je suis aussi fort de trop. Je suis passé. J'ai commencé par l'affaire politique. Bon, je finis ici. Là. Je vais me reposer. Dieu merci, c'est mon jour de repos. Mais j'ai besoin de repos physique également, et spirituel. Alors, je vous attends pour vos questions, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Oh maman, je n'étais pas en train de... Mon sourire n'est pas pour vous moquer de votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, je vais répondre à certaines de vos préoccupations. La première question, c'est sur la prière de la fille qui passe son bac, qui est beaucoup stressée. Ok, on peut prier pour elle, hein, il n'y a pas de problème. On peut le faire, il n'y a pas de souci pour ça. Sachez que vous-même, vous êtes un élément conducteur de l'énergie universelle sur votre fille. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, c'était quand même, c'est dommage que c'est pendant l'examen ou c'est fini, je ne sais pas. Mais si c'est avant que la personne démarre, avant la période d'examen du bac, une semaine avant ou quelques jours même avant, vous mettez les mains sur la tête de votre fille, vous-même, en tant que mère, et même le père, vous tombez en accord, que le père soit religieux chrétien, je ne sais pas, ou bien dans le bouteille, non, ne regardez pas cet aspect. Vous regardez le bien de votre fille. Vous posez les mains sur sa tête. Maintenant, la prière va dirigée par la personne qui est très, très ancrée dans la spiritualité, ok, dans, vraiment très avancée dans ce que je viens de dire. Donc, vous posez les mains, vous priez. Vous priez pour demander la libération du stress, prier de demander la peur, parce que c'est la peur qui fait que l'enfant panique au cours d'un examen. Donc tout ça, c'est très important, vous pouvez prier pour cela. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Oui, c'est important, il faut le faire avant les examens, Faites-le avant les examens, vous posez les mains sur sa tête et vous priez dessus. Vous pouvez même faire le Notre Père, il n'y a pas de problème. Vous vous entendez si vous êtes en couple ou bien en famille, il y a quelqu'un qui va lire la prière de Notre Père là, à haute voix, et l'autre, avec sa Bible, va seulement répéter la partie de « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. » Et vous-même, la maman, pendant que vous avez les mains sur la tête de votre fille, vous dites « Ma fille veut, je veux libérer ma fille du stress, je veux libérer ma fille de la peur, j'aimerais que son âme, son esprit soit un avec ce bac et qu'elle gagne ce bac. Je vois ce bac déjà descendre en elle parce que tu es le Dieu qui déclare que toi, rien n'est impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. » Donc, vous prononcez toutes ces vérités-là sur elle et vous verrez que le nombre élevé du taux va passer... Ah oui, c'est une bonne idée. Ah oui, oui. Écoutez, c'est une bonne idée, là. J'accepte avant de répondre aux questions. Oui, nous pouvons créer effectivement un groupe WhatsApp. Je vous en prie. Je vais vous communiquer mon numéro là au public. Rassurez-vous, hein, même si n'importe qui émergent qui va appeler, bon, même ils vont recevoir. S'ils m'appellent avec de mauvaises intentions, je vais vous donner mon numéro justement. On va le faire. Je vais le balancer tout de suite là. Mon numéro WhatsApp et avec mon nom. Hein, c'est un nom qui est bien démasqué. C'est mon vrai nom. Bon, le deuxième nom n'y est pas, mais c'est mon vrai nom. Je vais vous le donner tout à l'heure. Effectivement, l'idée d'avoir un groupe WhatsApp comme le font dans les forums politiques. C'est très important parce que là-dedans, on peut échanger. Je peux même faire des vidéos et tout ça là. Et vous donner des orientations et même économiser vos. Merci beaucoup, Fabrice. Économiser vos unités. Sur WhatsApp, par exemple, on peut faire le système de communication d'enregistrement simplement au lieu d'appeler. Hein? Vous enregistrez, vous savez de quoi je parle. Donc, vous appuyez le machin, le micro et puis vous parlez. On peut se parler. Ça, c'est une très bonne idée. Table ronde en famille, oui, c'est très puissant. Vous pouvez le faire en famille également, la séance que je viens de vous dire. OK? Oui, pour les notifications également. Et, par exemple, je peux vous informer que, bon, il y a, retrouvons-nous vite demain, retrouvons-nous ceci, c'est possible. Mais il faudrait que ce cercle soit très agrandi, si possible. Si on peut avoir même 50 ou 100 personnes, c'est une bonne chose. Et ensuite, disais-je, pour la question sur les prières, la ronde en famille, oui, c'est très, très efficace. Faites-le en famille. Faites cette expérience, faites passer la communication d'abord, comme vous le savez, que la communication est le premier élément très important pour la réalisation de n'importe quel projet dans nos vies. Donc, ça rentre dans le cadre de la famille. Faites cette table ronde de prière, là, je vous dis, en famille, vous verrez. Ça va vous ouvrir les portes de tout, en appliquant exactement ce que vous avez vu dans la vidéo. La synthèse de Notre Père, ce que je peux dire, c'est ceci. Le Notre Père est une prière universelle. OK? Une prière universelle qui a été mise à la disposition par le Dieu suprême, par les grands maîtres, et dont Jésus a utilisé également. Mais derrière cette prière de Notre Père, c'est un peu le résumé de tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment communier avec Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire, comment être en harmonie avec lui? Et ensuite, dans nos demandes quotidiennes, tout y est déjà résolu là-dedans. Donc ça nous parle. Et puis la prière parle de nous, notre. Ça ne dit pas moi, je. Et c'est à partir de cette prière-là même que j'ai toujours enseigné aux gens que. Évitez de prier pour vous-même, ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne prie pas pour moi-même. Je préfère prier pour les autres. Priez beaucoup pour les autres, parce que si vous priez trop pour les autres, en réalité, c'est que vous priez pour les autres, mais vous allez recevoir le double de ce que vous demandez. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes au chômage, ça va paraître bizarre. Toi, tu es au chômage, tu n'as pas le boulot, et puis tu vas voir Monsieur Moukani. Bon, Monsieur Moukani, oui, oh, mais toi, tu es diplômé, tu as un doctorat de pétrochimie, là. Moi, je vais prier pour toi, tu n'as pas le boulot. Moukani va te regarder dire, toi, Mandanda, toi, tu ne vas pas. Mandanda, toi, tu es un chômeur, tu veux prier pour moi. Non, ne regarde pas ça, mon frère. Et vous priez pour M. Moukani. Oui, quand M. Moukani, Jean-Christophe, gagne son boulot, vous verrez. Ça ne va pas retarder de votre côté. C'est comme ça. Qu'il le gagne ou pas, mais vous verrez que vous pouvez m'avoir le boulot avant lui. Donc, apprenez. Vous verrez dans cette prière, on dit bien, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. On n'a pas dit. Mon Père, il ne l'a pas dit du tout. Que ton nom soit sanctifié ainsi de suite, que ton règne vienne. Délivre-nous. Il n'a pas dit délivre-moi. Vous voyez, la prière n'est pas égoïste. Lisez bien cette prière. Vous verrez que c'est une prière universelle qui consiste à prendre beaucoup de choses. Bon, maintenant, je vais vous donner mon numéro. Je le balance maintenant au public là. Mais il y a trois conditions dedans. Je vous balance mon numéro ici là, ce n'est pas pour me demander des copinages ou bien des mariages. Je ne cherche pas de femmes. Ça, je vais être clair. Faut pas que les gens viennent m'embrouiller là, me déranger. Non. Ce numéro est donné ici, c'est pour le groupe. OK? Vous rentrez donc dans WhatsApp. Voilà, donc je dis pas question pour le mariage. Ne me venez pas me parler de politique. Ce numéro-là n'a rien à voir avec la politique, s'il vous plaît. Ça, je tiens à vous informer parce que beaucoup de gens vont me suivre, même mes amis du PDG sont là. Ça, c'est un site ou encore une chaîne neutre où j'ai des amis du PDG, j'ai des amis de l'opposition, j'ai des amis de n'importe quel bord politique. Donc ici, on ne parle que spiritualité. Hein? Bon, on peut parler de tout et de rien en termes de spiritualité, mais pas politique ou bien mariage, je ne sais pas trop quoi. Je ne cherche pas de femme, s'il vous plaît. Donc ça, c'est très important. Voici donc le numéro. Vous allez donc le chercher sur WhatsApp. C'est le 001 614 284 25, plutôt 51, 24. Je répète. Mon numéro, c'est 001 614 284 51 24. 001 614 284 51 24. Ce numéro va servir également quand je fais les lives. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me les poser directement. Maintenant, puisque si vous m'appelez directement, ça va vous coûter très cher, vous pouvez me contacter donc sur WhatsApp. Et quand vous me contacterez, vous allez faire la recherche sur WhatsApp, allez-y avec le nom de Guy Onouvier. Guy Onouvier, ça c'est mon vrai nom de famille. Guy Onouvier. Guy, vous savez comment ça s'écrit. Onouvier, ce n'est pas avec O, mais c'est avec AU. Donc AUNOUVIET. Guy Onouvier sur WhatsApp. Le numéro 001 614 284 5124. Donc là, vous pouvez me contacter, vous pouvez créer pour Fabrice là qui a créé l'idée du forum. Voilà, mon numéro est balancé. Maintenant, créez-moi le forum et puis on peut travailler. OK? Cinquième question. Est-ce qu'on peut prier en faisant l'amour? Je dirais non, vous ne pouvez pas. Vous êtes occupé là à satisfaire maman ou bien à satisfaire papa et tu te mets à prier. Ça va commencer comment? Non. Mais par contre, il faut prier avant de faire l'amour. Ça, c'est très important. Il y a des rites qui existent pour ça. Prier avant de faire l'amour, oui, la réponse est oui. Vous voulez me demander comment? Bah, écoutez, ce n'est pas très approprié ici, mais je peux. Merci beaucoup. Un nom compliqué, la Moukoucha. Bon, merci beaucoup d'aider pour le forum, la création du forum. Vous pouvez prendre la responsabilité, tout le monde va être d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez prier seulement avant de faire l'amour, mais pas pendant l'amour. Mais par contre, durant les préliminaires, pendant que vous, les préliminaires veut dire que, comme vous avez suivi hier, hein, il y a les massages. Maintenant, vous ne priez pas pendant que vous faites les massages. Maintenant, pendant que vous faites vos caresses, vous vous touchez, vous pouvez prier, OK? En disant des mots. Oralement, tu es mon prince, tu es ma princesse, tu représentes la divinité féminine de Dieu sur terre. J'apprécie te toucher parce que tu es mon Dieu, tu es l'expression du Dieu suprême ici. Quand vous dites ce genre de mots, vous vous échangez des énergies. Et les génies et les dieux en sont conscients. Donc, vous êtes en train de vous baigner dans la protection universelle divine. OK? Donc, oui, il existe. Vous pouvez faire l'amour avant. OK? Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi les maîtres me demandent d'arrêter? Bon, je crois ils ont leur raison et je viens de réfléchir. Je crois que ce sont eux qui me l'ont expliqué, que c'est pour éviter le mauvais usage et aussi certaines personnes peuvent profiter de ce rite-là pour en faire beaucoup de conneries. Parce que ça marche, c'est très fort. Et puis, pour des raisons de sécurité, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que je rentre trop dans les détails. Parce qu'il y a plein de détails techniques. Mais déjà, cette première partie, déjà elle-même, peut, je vous jure, hein, YouTube est suivi dans le monde. Hein. YouTube, on est plus de combien? La moitié de la planète Terre. Hein. Près de 4 milliards de gens qui sont abonnés sur YouTube. Donc, rassurez-vous, les gens peuvent faire n'importe quoi. Et ils peuvent exploiter n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Alors que ceci est fait pour le bien du peuple, rien que pour le bien, pour permettre tout le monde de vivre dans les bonnes conditions. Mais il y a des gens qui peuvent l'exploiter pour le mal. Voilà pourquoi peut-être qu'ils ont demandé que non. C'est mieux que je le fasse quand on sera dans les forums, là, c'est une bonne idée, ou bien quand on va se voir. Une fois ce forum est bien formé, j'ai déjà un certain groupe de personnes en France qui sont prêts à me recevoir. Bon, il y a un seul que j'ai confiance qui pourra bien me recevoir. Il n'y a pas de problème, on peut se retrouver. Maintenant, au niveau de l'Afrique, est-ce que c'est possible? Oui, au Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent au Sénégal, beaucoup de gens me suivent en Côte d'Ivoire. Cela également est possible. On peut toujours, à partir de ce forum-là, on peut prendre des rendez-vous. Si possible, voir comment on peut faire des cotisations, comment on peut se retrouver, et ainsi de suite. Vous avez déjà mon numéro, tout est là. Donc, je vous remercie beaucoup. Pardonnez-moi, je parlais un peu depuis près de 2 heures de temps là. Quand je parle de 2 heures, c'est-à-dire le côté politique, je viens encore ici pour parler. Le Gabon, toi, tu m'appelles au Gabon là. Il faut aller d'abord voir ton ami la cruche. Il faut qu'il me fasse la liberté de me faire venir au Gabon. Non, il n'y a pas de problème. Je peux bien venir au Gabon parce que. Je suis réfugié politique américain, gabonais, mais je suis exilé politique, c'est le terme. Quand on est exilé politique, généralement, on est sous la haute protection américaine. Il y a une procédure qu'il faut suivre. Et je connais la procédure administrative que je ne vais pas en parler ici. Aucun cas, il n'y aura pas de danger. Hein. Monsieur Lacruche et nos amis du gouvernement gabonais, s'ils ont réussi de mettre la main sur Landry, parce que ce protocole-là, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi ce protocole. Parce que s'il aurait suivi ce protocole-là, normalement, ça devait créer un conflit d'intérêts entre États. Et les États-Unis d'Amérique allaient créer la pression. Mais quand les Américains ont examiné cela, même s'il est citoyen américain, vous ne pouvez pas aller insulter l'adversaire là-bas si vous n'avez pas déjà mis en place certaines conditions préalables. Il y a tout un protocole et je connais le protocole en question. C'est une question de préparation et de voir également le terrain, comment ça peut se passer. Mais je n'aimerais pas que les gens interprètent mon arrivée au Gabon pour des histoires politiques. C'est un peu compliqué ma position là. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Je peux bien venir au Gabon. Et en plus, vous le savez, vous me suivez dans toutes mes deux chaînes. Vous me suivez sur Congo ça ici. Je n'insulte pas les gens en bas de la culotte. Je dis seulement des vérités. Hein. C'est vrai que ces vérités dérangent le régime. Mais parmi ces gens du régime, il y a des gens qui sont des amis, il y a des gens qui sont des frères, cousins, oncles et tout. Mais ça ne peut pas leur empêcher de m'arrêter. Hein. Bon, maintenant, s'ils commettent cette erreur de m'arrêter, bon, ça n'engagera qu'eux. Ce sera une affaire entre eux et les Américains. Parce que quand vous prenez la nationalité d'un pays étranger, le cas des États-Unis, vous pouvez vous renseigner, vous avez le libre, vous avez la liberté soit de renier votre pays et de devenir à 100% citoyen de ce pays, ou bien vous pouvez dire non, je garde toujours ma nationalité de mon pays, mais avec des conditions. Et moi, je suis donc sur la deuxième catégorie. J'ai accepté d'être nationalité américaine et j'ai accepté la nationalité de mon pays d'origine, mais en mettant des restrictions sur mon pays et sur les dirigeants. Quand je parle des dirigeants, c'est-à-dire le régime Bongo PDG, j'ai donné des restrictions sur eux. Donc s'ils commettent l'erreur de mettre la main sur moi, voilà pourquoi je prends le soin de leur dire toujours que je ne vous insulte pas, je n'insulte personne, je ne menace personne, et je crois que vous suivez mes messages, parce que certains d'entre vous me suivent dans tous les milieux où je parle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et sur ce, nous allons nous arrêter et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse, que Tita Mwanga vous bénisse. Bonne soirée et d'ici là, portez-vous bien. Je crois que j'ai accompli ma mission pour cette semaine et dans les 4 jours qui suivent, je reviendrai avec un autre enseignement. Merci beaucoup, merci, merci. Voilà, là, tu peux faire la communication là. Donc, il y a Mukusha qui vous demande de vous inscrire. Veuillez vous inscrire dans le forum. Il a elle ou il. Moi, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Moi, je suis embrouillé là. Hein? Voilà. Donc, je vois le nom Mémine. Ça veut dire peut-être que c'est une maman là-bas. Donc, veuillez vous inscrire. Elle a, vous avez déjà mon numéro. OK. Elle, OK. Merci beaucoup, maman. Donc, vous avez déjà mon nom. Vous avez déjà mon contact. Vous pouvez déjà créer le forum. Que Teta Mwanga vous bénisse. Bonne journée à tous et bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouvera prochainement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci.